Ah, je suis vraiment super contente que toutes les femmes de ton équipe t'aient converti à charme. Surtout que je me souviens en primaire, c'était vraiment la corvée de trouver quelqu'un pour faire Léo. Et du coup, ça finissait toujours par être une fille qui l'interprétait. Voilà, et ben merci à toute ton équipe. Des bisous. Maman disait toujours, Blockbuster, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Eh ben pour moi, Tom Hanks, il représente tout ce qu'on fait de pire aux États-Unis. C'est gnangnan, c'est plein de bons sentiments, c'est judéo-crétin. Enfin, franchement, faut sauver le soldat Ryan. Ben oui, mais soyons réalistes un peu. La vraie vie, c'est pas ça. Mais j'aime bien votre émission. Allez, bonne journée. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques, j'habite à Nice. Moi, sur le film que je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est Terminal, parce qu'il a cette palette d'acteurs qui fait qu'il est l'un des plus grands, tout simplement. Allez, au revoir et à une prochaine émission. Je suis à la recherche depuis plusieurs mois d'un film qui s'appelle Degré ou de force. C'est un film des années 80, je pense. Et j'ai beau fureter partout sur le net, impossible de retrouver ce film. Le réalisateur était Cazeneuve. Vraiment, je vous supplie de faire quelque chose pour moi. À bientôt. Une question. Est-ce que Tom Hanks ne serait pas le James Stewart actuel ? À réfléchir. To be or not to be, not to be. Le but que je me suis fixé sur cette émission ce matin, c'est de ne pas dire que le rap, c'était mieux avant. Ah, trop tard, c'est fait. En fait, j'ai toujours écouté du rap. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, et 25 ans plus tard, je continue d'en écouter avec mon fils et ma fille. Alors évidemment, aujourd'hui, quand j'écoute ça dans ma petite maison pavillonnaire, un jus détox dans la main, je mesure combien ça fait longtemps que ma street crédibilité s'est évaporée comme un glaçon un jour de canicule. J'ai conscience d'avoir l'air aussi ridicule que Christophe Barbier qui pense que le rap, c'est mettre sa casquette à l'envers et balancer des yo en fin de phrase. N'empêche que je n'oublie pas qu'à un moment de ma vie, le rap, c'était le seul art à poser des mots sur mon réel. Le rap, c'est vital quand tu vis dans une cité HLM. Je dirais même que le rap, c'est le parti politique des quartiers populaires. C'est le syndicalisme des banlieues métissées. Un moyen de se voir représenté, d'entendre parler d'une France qu'on peut voir en ouvrant sa fenêtre d'immeuble. La France des classes d'école où tu fais un tour du monde rien qu'en écoutant la maîtresse faire l'appel. La France des cages de foot grillagées et des tables de ping-pong en pierre. La France des ascenseurs qui ne s'arrêtent qu'un étage sur deux et qui sentent tantôt l'eau de Javel, tantôt l'urine. La France où tu vis le ramadan, même si t'es pas musulman, et t'es heureux de ça. Étonnamment, alors que mes potes d'adolescence étaient plus rap parisien, NTM, Sector A, Assassin, moi j'ai toujours préféré les mots comptes triples et les textes truffés de liens hypertextes des chansons d'IAM. Au lycée, j'ai fait une section littéraire, que voulez-vous ? MC Solar, IAM, Fab, Oxmo Puccino, Kerry James, Kenny Arcana, autant de rappeurs qui ont su faire sonner la langue française pour moi comme personne. Et aujourd'hui, quand j'écoute du rap, les mots que j'apprends, bah, en général, le Larousse non plus ne les connaît pas. Ah bah voilà. J'avais dit que je dirais pas que c'était mieux avant. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Jeff Fada, je crée des gueux. Je vous prenne tous ici, une par Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Du scruter la salle, le trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Akhenaton, Shuriken, Imhotep, Khéops, Khéphren, Freeman. Derrière ces noms qui doivent tout autant aux pharaons égyptiens qu'aux arts martiaux ou à la culture manga, se trouve un des groupes de rap marseillais les plus influents de l'histoire du hip-hop français, IAM. IAM pour Imperial Asiatic Men ou Indépendantiste Autonome Marseillais, c'est vous qui voyez. Avec 30 années de carrière et 8 albums derrière eux, IAM constitue avec NTM, leur groupe frère autant que rival, les deux piliers du rap français. Leur troisième album, L'École du Micro d'Argent, est l'album de rap français le plus vendu de l'histoire avec plus de 1 600 000 exemplaires vendus à ce jour. Pour revenir sur le parcours de ce groupe mythique, j'ai avec moi Mehdi Maizi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste musical, spécialisé dans le rap, animateur de l'émission La Sauce sur Au Calme et de Rap Jeu sur YouTube. Tout à fait. Vous êtes également auteur du livre Rap Français, une exploration en 100 albums paru en 2016 aux éditions Le Mot et le Reste. Tout ceci est juste. Avec nous également mon comparse Yerim Sarr, bonjour. Salut, ça va? Oui, très bien. Journaliste spécialisé en rap et en pop culture pour Première, Noizé, Vice et Rokirama, entre autres. Et Move. Et Move, voilà, il travaille pour tout le monde. Le vilain petit canard de Radio France. Avec nous également Brice Miclet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste musical, notamment pour Slate, Les Un Rock, Combini, Trax et Jack, et auteur du livre Sample aux origines de son hip-hop, paru en 2018 aux éditions Le Mot et le Reste. C'est ça. Ensemble, on va retracer l'histoire du groupe, leur style, leur influence, leur sujet de prédilection, en quoi IAM a su innover dans un paysage musical souvent très balisé. On reviendra sur leurs différents albums, leurs tubes, et on essaiera de distinguer en quoi le rap a évolué durant ces 30 dernières années. Allez, vous êtes dans Blockbuster sur France Inter, préparez-vous à entendre un bon son brut pour les truands. De la ville la plus pauvre de France, je ne peux contenir ma colère alors que le phare éclaire ses feux. Dans la confusion se pose une question qui multiplie les éventualités d'agression de la part de nos troupes. Consulte la liste, repère les coupables, souligne les hampistes ici. Le premier business c'est le shit, normal quand on porte sur le dos 24 milliards de déficit. L'esformeur dans les caches, aux étages, un mirage, une plage contre 52% de chômage. Le dernier recensement révèle, en France, Marseille est la seule ville où la population baisse. Des jeunes gens vous reprochent en face de parler trop souvent de la planète Mars. Je leur explique posément quelle est la situation, que c'est une mission commandée par ma faction au slalom. Entre seringues et douilles, la mort est à l'œuvre et tout le pays semble s'en battre les couilles. On cache, on planque, on dissimule les délits pour ne pas trop affoler le peuple qui les élit. Et je passe un switch sans vos crédulités. Sous le soleil, la misère n'est pas plus facile à supporter. Je démords, tu entends, mélisant, je défends existant et descend de la porte de l'Orient. Mars contre-attaque. C'était Mars contre-attaque, issu de la planète Mars, le premier album d'IAM. Donc Mehdi Maizi, expliquez-nous la genèse du groupe IAM. Ah, c'est une longue histoire, mais on va essayer de faire court. Mais globalement, bah, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un groupe marseillais. Donc il s'est rencontré au fur et à mesure des années, évidemment, à Marseille. Mais je pense qu'en fait, la genèse, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas dissocier IAM de Marseille, mais aussi de New York. Akhenaton, qui était le leader plus ou moins officiel du groupe, officieux, il n'a jamais été présenté comme leader, mais quand on voit les interviews, c'est toujours lui qui parlait et qui tenait le micro, qui a toujours un peu incarné le groupe. Il a fait plusieurs voyages en fait, plusieurs allers-retours à New York, ça a complètement changé sa vie, ça a aussi changé la vie du groupe. Ce qui est très important de dire, c'est que bon, il a découvert le hip-hop là-bas. Je parle vraiment de hip-hop parce que autant maintenant, quand on parle de cette musique-là, on parle de rap parce que le rap a phagocyté un peu les autres genres. À l'époque, on parle de hip-hop et c'est même pas évident d'être davantage rappeur que graffeur ou breaker, vraiment. C'est-à-dire que c'est une culture. Ouais, c'est une culture. Et puis rapper en français, ça n'existe pas. C'est même pas forcément le truc le plus cool à faire, quoi. Donc c'est pas aussi évident qu'aujourd'hui, où quand on est fan de rap et pas forcément de danse, etc. Et voilà, donc il y a ces voyages à New York qui il les fait avec K-Ops, le DJ. Exactement, il les fait avec K-Ops. Et en fait, alors je passe vite parce que c'est important, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout raconter, mais ce qui se passe, c'est que Akhenaton, sa vie change là-bas, il ramène des disques à Marseille, etc. Donc ils sont un peu les ambassadeurs et les représentants du hip-hop à Marseille. D'ailleurs, K-Ops très vite se fait une passion de diguer, de conserver les disques. D'ailleurs, dans les disques, il rayera, quand il achètera les disques, il rayera les audits pour être sûr d'avoir le seul exemplaire en sa position dans la ville, donc même voire parfois en France. Et en fait, à un moment, il y a quand même une histoire, c'est que les mecs commencent à rapper, commencent à faire des démos, et à Akhenaton, quand il pensait vraiment s'installer à New York, il aimait tellement cette ville, et là, on lui a proposé là-bas un contrat de producteur, de beatmaker, parce qu'il commençait à faire du son. Et au même moment, en fait, IAM s'est pu proposer un contrat en France en tant que groupe, et là, ensuite, l'histoire recommencera. Donc, c'est pour ça que c'est très important, en fait, de voir que c'est assez fou qu'un Français ait eu l'occasion de faire une carrière là-bas à cette époque-là. Mais voilà, donc New York est vraiment indissociable de l'histoire de Marseille et du son aussi, de l'histoire par exemple d'IAM et du son d'IAM qui s'est énormément inspiré du rap new-yorkais de cette époque-là, notamment d'Eric B et Rakim, fin des années 80, et même dans les flows, hein, c'est-à-dire que sur le premier album dont on parle, là, de la planète Mars, Akhenaton, vraiment il y a des moments où c'est presque, il mime presque le flow de Rakim, qui a été un flow qui a changé le rap américain à l'époque. Alors rappelons pour les auditeurs qui ne connaissent pas quel terme flow. C'est... Le flow, c'est la manière de rapper sur l'instrumental, la manière de se poser. On peut avoir un flow lent, un flow rapide, voilà, c'est la manière de moduler ça. Et vraiment Akhenaton à l'époque, il change sa voix, il change son flow vraiment presque en mimétisme par rapport à Rakim. Ensuite il y aura le Wu-Tang, etc., qui aura énormément influencé IAM. Ensuite il y aura le son Rocafella au début des années 2000. Donc vraiment je dirais que New York, c'est une part très très importante de la construction du son IAM. Et alors, Brice Miclet, quand Ayam se constitue, un peu plus tard, Akhenaton rencontre Shuriken. Ouais, en 88. En 88, qui réparait une porte de métro. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est ça leur rencontre. Et il l'incorpore. Et il y a aussi Kefren et oui. Freeman, qui eux sont invités dans le groupe pour juste danser devant les chansons. Akhenaton, en fait, c'est le cofondateur du groupe. Avec Keops. D'abord, c'est un autre nom. Et ensuite, ils vont rencontrer Shuriken, puis Imhotep, qui vont venir compléter le groupe, qui va désormais s'appeler IAM. On est en 88. Et effectivement, Kefren et alors Freeman, bon, qui s'appelle pas Freeman à l'époque, qui s'appelle Malek Sultan, reviennent en fait pour faire un peu la promo de Concept, qui est un maxi qui vont sortir dès 90. C'est là qu'ils vont vraiment être intégrés dans le groupe pour de bon, mais c'est totalement pour la scène. Plus tard, ils auront un rôle plus divers dans le management du groupe, un petit peu dans la production, etc. Freeman sera rappeur à partir de 2002-2003, vraiment intégré comme troisième rappeur, si je dis pas de bêtises. Ça, mais il a quand même sorti un album solo en 97, mais oui. Mais dans le groupe, il est intégré à cette époque-là. Et oui, voilà, donc pour la jeunesse du groupe. Mehdi parlait de l'influence new-yorkaise, c'est hyper intéressant, c'est Eric Bianlohakim, clairement. Dans la production, notamment sur le premier album, il y a une grosse influence de Public Enemy aussi, qui, je pense, c'est peut-être le groupe qui, au niveau de la production, a le plus influencé le début du rap français, début discographique en tout cas, de 90-91. C'est Public Enemy, ouais, ça se ressent. Dans le premier album d'IAM, c'est très prégnant. D'ailleurs, c'est juste, excusez-moi, mais New York est super important parce que c'est presque, on pourrait presque en vouloir à IAM et NTM de s'être inspiré que du son new-yorkais, parce que pendant très longtemps, on a pensé en France que le rap c'était uniquement le son new-yorkais, alors que déjà le rap américain était extrêmement riche. Il y avait déjà le son de Miami, la Miami Bass, il y avait évidemment la Californie, il y avait le sud des États-Unis qui commençait à produire du son, mais IAM et NTM dans un autre registre, mais IAM surtout ont tellement incarné, embrassé le son new-yorkais que pendant, je pense, 10 à 15 ans, on a vu en France le rap uniquement à travers le prisme du son new-yorkais. De la côte est. Donc c'est important de voir, ouais, de la côte est, de voir comment finalement ce groupe-là a influencé quelque part de manière indirecte aussi tout le reste du rap français, puisque pendant longtemps on s'est presque interdit d'aller s'inspirer du rap californien, etc. Hormis quelques exceptions évidemment. Pourtant, le rap californien, oui, avec N.W.A. Ouais. Dr. Dre, il y avait des choses à prendre. Bon, en fait, c'était plus la branche ministère. C'était plus la branche ministère amère Secteur A qui incarnait ça, mais qui effectivement sont moins. Ils arriveront plus tard aussi. Ouais, ils sont arrivés un peu plus tard et puis ils ont été effectivement moins pris comme modèle absolu du rap français. Ouais. Mais effectivement, c'est eux qui représentaient un peu plus l'influence ouest, on va dire. Tout simplement noir aussi. Alors on va continuer de parler d'IAM, mais pour l'instant on va les écouter avec l'Empire du côté obscur. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Le sombre monarque débarque et éteint son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le fer balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion des bas-fonds du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire, sur la plus pure de l'empereur, et arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, la force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Ta force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Que les voiles de la force obscure.

Y en a aussi qui ont un peu disparu aujourd'hui, mais genre des gens comme Lionel D. En fait, c'est tous ceux que tu retrouves sur la compilation Rapatitude. Et effectivement, là, au tout début, IAM, c'est marrant parce qu'ils ont pas du tout l'image qu'on leur prête aujourd'hui. Aujourd'hui, on va, si on essaie de les catégoriser, on va plus les mettre dans leur rap très sérieux. Et en fait, à l'époque, ils sont vus pas non plus comme MC Solar, mais un peu comme un entre-deux, parce qu'ils font aussi des sons qui sont un petit peu légers. Et Attentat notamment. Ouais, puis même sur, par exemple, sur Ombre et Lumière, qui est leur second album, il y a vraiment pas mal d'humour. Il y a le. Et Je veux être. Il y a ça, il y a Je ne plais plus à personne en Harley Davidson, oui. Qui est un foutage de gueule caractérisé des rockers justement et de l'esthétique. Le Shit Squad. Il y a le Shit Squad, voilà. Il y a un petit peu tout ça. Et surtout en termes de promo télé, ils ont pas du tout l'image beaucoup plus fermée qu'ont les autres groupes de leur génération, notamment NTM qui, en fait, ne serait-ce que par leur nom. En direct un truc qui est plus frontal. IAM, par exemple, ils sont allés sans aucun souci chez Christophe de Chavannes à cette époque-là, en déconnant et tout, et en assumant le côté oui, il y a pas de souci, on peut aller dans une émission de variété et rester nous-mêmes, etc. Ils avaient même, parce qu'ils savaient qu'ils avaient été critiqués pour ça par le milieu rap un peu plus puriste, et c'est pour ça que Akhenaton avait fait Rest Underground, qui était justement une énorme crotte de nez, une énorme moquerie au puriste rap, puisqu'en fait il dit ouais, underground tu es, underground tu resteras, genre tu perceras jamais. Oui. Et personne te connaîtra. Voilà, personne te connaîtra. Moi tu seras intègre. Voilà, c'est ça. Et donc ouais, avant l'école du micro d'argent, qui constitue vraiment un énorme tournant pour le groupe, ils avaient ouais une image peut-être un peu plus pop, même si on n'associait pas du tout ce terme au rap à l'époque. Et après, voilà, il y a vraiment la page, l'école du micro d'argent. D'accord. Où là, ouais, c'est le raz-de-marée. Et Brice Miclet, si on devait résumer le style d'IAM, qu'est-ce qu'il caractérise? Il est complexe, mais il évolue au début. Il est quand même très influencé par. Alors, je parle surtout au niveau des samples, hein, de la manière dont on compose le son. Le premier album, il est vraiment sur des samples un peu classiques du rap américain et français, c'est-à-dire qu'on va aller sampler la musique noire américaine. Ou les grands samples, les grands breakbeats du rap américain. Donc ça va être Skull Snaps, James Brown forcément. Y a Lynn Collins sur le premier album. Donc c'est vraiment cette esthétique-là d'abord. Mais c'est mélangé à d'autres choses parce que le premier titre de leur premier album, il commence par un sample de Derbouka. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très peu dans le rap français à l'époque. Et donc ce mélange-là, il va évoluer. Alors c'est marrant, tu parlais du côté... côté comique, il y a même des interludes sur le premier album qui sont des interludes assez barjots, qui peuvent faire 4 secondes ou jusqu'à même un peu moins d'une minute, qui sont vraiment des choses comiques en fait. Donc on parlait de l'influence de Public Enemy tout à l'heure, d'Eric B. and Rakim. Public Enemy, il y a un côté urgence en fait, un peu NTM a récupéré ça aussi, ce côté urgence totale, mais petit à petit il y a peut-être une évolution vers le son de groupes américains comme A Tribe Called Quest, comme un peu de la soul qui est déjà très très identifié quand même. Et IAM se nourrit un peu de ça en fait, il y a cette dualité qu'on retrouve dans plein de groupes, ils fonctionnent à deux rappeurs, donc il y a forcément une dualité, mais ils vont vraiment l'exploiter à fond. Et la dualité chez IAM va être quelque chose de très très important dans toute la symbolique et dans toute la musique aussi, donc plusieurs origines et plusieurs influences. Et Mehdi Maizi, il y a aussi ces références aux pharaons égyptiens, des textes qui plongent souvent dans des traditions orientales. C'est vraiment la remarque de fabrique. Oui, complètement. Dès le début, il y en a un qui s'appelle Akhenaton, l'autre Imhotep et l'autre Khéops. Donc il y a toujours eu à la fois effectivement cet intérêt pour les cultures africaines, égyptiennes en particulier au début, mais pas que en fait, et aussi pour les cultures asiatiques, hein, shuriken, etc. Donc ça a toujours, ils sont toujours mis finalement. Ça a toujours été un groupe qui s'est peut-être un peu défini comme une sorte de groupe un peu, c'est un horrible mot que j'ai utilisé, mais genre citoyen du monde. Il y a toujours eu un peu ce truc-là avec. Oh, c'est pas si moche que ça. Non, mais parce que c'est très parodié depuis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment C'est vrai que souvent une des significations les moins connues de IAM, c'était italien, algérien, marocain. Exactement. Mmh. Voilà. Ouais. Il y avait Imperial Asiatic Man, c'était le plus connu, mais il y a aussi ça et puis plein d'autres choses. Donc il y a vraiment eu toujours cette volonté, je pense, de parler au monde entier, d'être un groupe, finalement assez global à une époque où quand même on parle d'un groupe qui est un groupe marseillais, ce qui était quand même pas forcément évident. Mais dans leur message, dans leur discours, il y a toujours eu, c'est vrai, cette volonté-là de parler au plus grand nombre. Quoi. D'accord. Alors, je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Ah. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant IAM. Saurez-vous y répondre ? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on ne donne pas souvent la parole au quartier qu'ils se sont mis à inventer un genre musical où il faut parler vite ? Je peux pas. Ça demande une réponse. J'ai besoin d'une réponse. Non. Je suis sûr. Non. Ok, très bien. C'est une réponse. Philippe Ragione, le leader d'IAM, aussi connu sous le nom d'Akhenaton, est connu sous plusieurs pseudos. Sentenza, oui. EKH, Chill, Talien, Spectre. Est-ce que les pseudos à Marseille, c'est comme avec les mots de passe sécurisés sur Internet, faut en changer tous les ans? Bah, c'est pas uniquement à Marseille, c'est dans le rap. Dans le rap, on aime bien, les rappeurs aiment bien avoir 36 000 pseudonymes, quoi. C'est pas le seul. C'est vrai qu'à Canada, on en a beaucoup, mais c'est vraiment un truc propre au rap de trouver des noms cool ou rigolos et d'en avoir plusieurs, quoi. Solar, on avait pas mal aussi. Ouais, Solar, même Booba. Je crois qu'il a plus de pseudos que d'albums, Solar, d'ailleurs. Ouais. Maintenant, ouais, peut-être. Ouais. C'est possible, ouais. La rivalité qui oppose le PSG à l'OM s'est transposée dans le monde du rap entre NTM et IAM. La question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que le Qatar va racheter NTM ? C'est une très bonne question. Je suis pas sûr qu'ils aient très envie d'être affiliés à NTM. Hein, c'est pas très, en plus, c'est pas très rentable. Ouais. Je vous remercie pour toutes ces réponses. On va continuer en écoutant IAM de nouveau avec « Ça vient de la rue ». Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Des cours de break, de jazz ou de cramp. Les meilleurs dribbles et les meilleurs dunks. Ouais. Les vêtements que les jeunes se déchirent. Check du point au moment de partir. L'évolution de la langue française. Rider le skate avec un air à l'aise. Puis franchir mur, marcher parapé. 20 euros l'entrée, ça veut pas raquer. Élaborer des toiles de mains effacées. Superstar avec des fats lacés. Capuche fourrée, gousse matelassée. Bleu blanc rouge. Sur le drapeau français, toucher le bal de fou de Ronaldinho, les icônes et les modèles des minots, ces sons qui font bouger les parterres, le samedi dans tous ces clubs d'apartheid, la mode, les codes, le style et l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les sapes, les vagues et les tendances, cherche pas, tu sais d'où ça vient. La mode, les codes, le style et l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les saps, les vagues et les tendances, cherche pas, tu sais d'où ça vient. Partout où tu vas, ce que tu entends, ça vient de la rue. Et cette grosse caisse qui perce les tympans, ça vient de la les pantalons larges et les Nike en boîte, ça vient de la rue. T'es à la page, y'a le caleçon qui dépasse, ça vient de la rue. Si ton fiston se jette sur le parquet, ça vient de la rue. Si ta fille rêve d'une vie comme Beyoncé, ça vient de la rue. L'arco qu'ils parlent et les mots qu'ils apprennent, ça vient de la rue. Les noms, les groupes, les refrains qu'ils reprennent, ça vient de la rue. Science de la rime poussée à l'extrême, ça vient de la mentalité, rue. Je suis pas de ceux qui se traînent, ça vient de non. La rue. Et cette culture qui rassemble tant de jeunes, ça vient de la rue. C'est subversif, sensé, donc ça ça vient de ouais. La rue. Les grands boxeurs, les joueurs phénomènes, ça vient de la rue. Les femmes de ménage et leurs serpillères, ça vient de ouais. La rue. Les pères courage que l'usine assassine, ça vient de ouais. La rue. Et tout ce potentiel que l'on sous-estime, ça vient de la rue. La mode, les codes, le style et l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les saps, les vagues et les tendances, cherche pas, tu sais d'où ça vient. La mode, les codes, le style et l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les saps, les vagues et les tendances, cherche pas, tu sais d'où ça vient. Écoute, d'abord la zik t'écoute. Lorsque ma façon de voir le monde se découvre. Quand Patton et Jamel te font rire. La misère habille un sourire. Toutes vos modes d'under qui est bon mec. Brian de Palma et Scorsese m'éteint. Les mentalités à toutes épreuves. La démocratie et toutes ses preuves. Quand c'est Busta qui passe le courvoisier. Et quand le peuple crie à les boumailler. La révolte des résistants en France. Les droits de l'homme et ses influences. La foi des restos du cœur Emmaüs. Quand maire et président sont élus. Par tous les moyens nécessaires. Ça vient de la rue. Le fond et les paroles d'IAM frère. Ça vient de la C'était Ça vient de la rue que vous pouvez retrouver dans l'album saison 5 d'IAM. Après un mot pour la régie qui nous sponsorise, il ne faut pas que je m'éternise. Ok, revenons dans le sujet, station de métro Perrier. C'est là que Duc Éclair organise ses soirées. Devant la maison, il y avait des milliers de lampadaires. On se serait cru les 14 spectacles, son et lumière. Arrivé à l'entrée de mec, nous dit c'est 70. Dis-moi, c'est pas un peu que ça grandisse. Bon allez, dégage, allez chic, tire de là. Et dis que moi plutôt le chemin droit vers le but est froid. 1. L'entrée bien entendu je ne la paye pas. 2. On va tout bouffer et c'est ça pour toi. Ouais. Attends ta violence au boulevard Michelin. Les sandwichs ont voltigé, aucun escarpé. Car pour le cas où vous ne vous en apercevez pas, nous sommes fonction directe et c'est un attentat. Oh là là, ils sont insortables. Et j'espère que nous passerons ensemble une bonne soirée. C'est un attentat. Cet attentat d'Ayam, alors on retrouve justement la fibre un petit peu foldingue qu'on pouvait retrouver sur le premier album et le deuxième album d'Ayam. Et il y a notamment ce titre qui les a fait connaître, Je danse le Mia, parce qu'on n'en a pas parlé, avec le clip de Michel Gondry. La réception, c'est ça qui a popularisé Ayam. Bah complètement, hein, c'est ce morceau qui a fait que aussi le rap français a commencé à devenir populaire en réalité, hein. Ça dépasse complètement le cadre d'Ayam. C'est qu'il y a eu Solar bien sûr avec Bouge de là, qui était une première incursion populaire. Il y avait en vrai un petit peu avant, il y avait Benny B avec Vous êtes fous, mais le groupe était déjà un groupe belge et avait pas forcément la même crédibilité au sein du milieu hip hop que Solar ou surtout Ayam. Et puis bien sûr il y a eu Je danse le Mia qui était en plus un morceau fun, et puis contrairement à Bouge de là, c'est un morceau qui vieillit à mon avis mieux, et surtout qu'on continue encore à jouer, c'est-à-dire qu'on le joue encore en boîte de nuit, on le joue encore dans les campings, donc c'est un morceau. Et même eux continuent de chanter, ce qui est assez absolument, rare. Ouais, bien sûr, absolument. Et bah, y a même eu d'autres versions du morceau à travers les âges. C'est aussi quelque chose qui est important avec Ayam, c'est qu'ils ont adoré faire des remixes de leurs morceaux. C'est-à-dire que quand on est fan d'Ayam, on peut vraiment se prendre un plaisir fou à essayer de dénicher, bien sûr, il y a leurs albums, et puis ensuite il y a toutes les versions cachées, non officielles, non sorties officiellement parfois, de certains de leurs morceaux qui ont été remixés. Ils adorent ça, ce qui est un truc vraiment très propre au rap aussi, à la musique électronique d'ailleurs, cet art du remix. Et Ayam a toujours vraiment joué le jeu à fond, donc il y a quelques versions plutôt très cool de Je danse le Mia. Oui, c'est un morceau qui a complètement changé leur vie, mais aussi qui a changé le rap, et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien, aussi un peu de mal à cette époque là puisque c'est, je pense que Je danse le Mia est clairement une des raisons qui a fait que L'école du micro d'argent, l'album suivant, a été un peu plus sérieux. C'est-à-dire que ils ont très vite été catapultés comme un groupe populaire, sympathique, dansant, puisque beaucoup de gens les ont découverts avec ça et avec Le Feu, qui était aussi un morceau, de fête, de célébration en tout cas. Donc pour beaucoup de gens, IAM c'était ça. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le deuxième album pour ça, et je crois que c'est aussi quelque chose qui leur a fait dire bon, nous on est notre ADN, c'est pas ça. Donc ça a aussi un moment, à mon avis, orienté leur carrière par la suite. Alors, je ne vous apprends rien, hein, mais le rap en France a toujours été victime de colibés. Hein, aujourd'hui, Jules, Caris, Booba en font les frais, mais il n'y a pas si longtemps, c'était Ayam qui inspirait certains grands humoristes français. J'aime pas. Ayam a dit, je suis ce que le rap a créé de plus solide, tu te pètes le dos sur deux pignons d'olive. Je suis pas sûr de bien saisir l'image, mais c'est pas grave, c'est du rap. L'important, c'est la rime. Il aurait aussi pu dire, je suis ce que le rap crée de plus solide, tu changes de slip à invalide, c'est pas grave. C'est pas du Offenbach, hein, Michel, c'est du rap. On s'en fout du sens. Donc c'est le nouvel album d'Ayam. Impossible de passer à côté, c'est énorme, c'est ultime. La presse l'a bien expliqué, ça faisait 6 ans qu'on l'attendait. Il y en a qui attendent, je sais pas, on découvre le vaccin contre le rhume des foins, l'âge de la retraite. Nous, on attendait Ayam depuis 6 ans, c'est interminable. L'album s'appelle « Les raisons de la colère ». Alors là, Kerdru, il se demande forcément, mais quelles sont les raisons de la colère? Pas de panique, ils répondent. Quand la terre où l'on marche est labourée par des molaires, comprenez-vous au moins les raisons de la colère? C'est énorme. On s'en fout complètement d'Ayam. L'important, c'est la rime. Si tu veux, tu peux changer la terre et les molaires. Tu peux faire un truc du style « Quand t'as fait rétrécir ton petit pull en mohair, comprenez-vous au moins les raisons de la colère ?» C'est énorme. Alors, t'as patienté 6 ans. Mais attends, c'est pas fini. Tiens-toi bien. « Pourquoi je serre les dents ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ?» On a du lourd. Alors, Michel, un jour où tu sais pas quoi faire, hein, bah tu perds pas ton temps. Tu serres les dents et tu fais un album de rap. Laurent Jarrat qui imitait donc Fabrice Luchini dans l'émission de Michel Drucker. On est quand même assez loin dans je dirais, la médisance, la complaisance vis-à-vis du rap. Ah, j'ai cru que tu allais dire la médiocrité. Ouais, oui, mais ça, je le laisse à la discrétion de l'auditeur ou à la vôtre. C'est surtout pas drôle, en fait. Mais c'est un truc qui revient tout le temps. C'est-à-dire prendre des paroles de rappeurs pour dire, vous avez vu leur texte, c'est pas possible. En fait, alors que c'est quand même des auteurs incroyables. Moi, je trouve ça bien que vous ayez passé ça. Non pas que je sois fan de Laurent Gérard. Parce qu'en fait, ça montre que le rap, parce que, effectivement, je pense qu'il y a peut-être aussi des gens qui nous écoutent qui pensent que le rap c'était mieux avant, mieux à l'époque que Dayam et NTM, entre autres. Mieux que maintenant, que ce qu'on vit maintenant. Mais en fait, on voit que le rap a toujours été parfois incompris par une certaine partie des auditeurs, et c'est leur droit. Hein. Moi, je suis pas là pour évangéliser la France. Des gens ont le droit de ne pas aimer le rap, de ne pas aimer IAM. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a un peu de nostalgie mal placée en mode oui, IAM, qu'est-ce qu'ils écrivaient bien, etc. C'est parfait, c'est mythique. Mais il y avait des gens à l'époque qui ne les aimaient pas et qui critiquaient leur écriture. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec, parce qu'on a encore, et c'est important de faire passer comme message, on a encore des auteurs incroyables dans le rap, au même titre qu'Akhenaton ou que Kool Shen ou que bref, les gens qui ont fait le rap dans les 90. Donc c'est marrant de, parce que ces critiques-là, cette parodie que Laurent Gérard a fait, on pourrait aussi en faire aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Mais donc, justement, on a toujours moqué le rap, et c'est pas grave en fait. Hein, mais le rap continue à se. C'est très intéressant parce que est-ce que les critiques sont vraiment liées au texte ou cet âge d'or qu'on cite souvent quand on parle d'IAM, NTM et tout ça. Est-ce que ça correspond pas aussi à une époque où le rap était véritablement une sorte de passerelle entre des quartiers populaires et le restant de la population. Il y avait vraiment une forme de médiation qui se créait, alors qu'aujourd'hui le rap assume beaucoup plus le côté je parle au mien et je vais être cru mais je vous emmerde. En fait, le rap aujourd'hui, il est beaucoup plus riche qu'à l'époque. Parce qu'en fait, il est devenu populaire. Il est devenu pop, en tout cas. Ce qui, effectivement, est un terme qu'on n'associait pas du tout au rap, comme le disait Yérim avant. Donc aujourd'hui, il y a 36 000 manières de rapper et donc de faire du rap. Donc, il y a encore des gens qui sont dans la tradition de ce que faisait IAM ONTM. Citons Kerry James, bon, qui est quand même là depuis longtemps, mais citons Demi Portion, Medine. Enfin, on pourrait vous citer énormément de rappeurs qui perpétuent cette tradition-là. Et puis, effectivement, il y a des gens qui font de la musique uniquement pour s'amuser, pour célébrer la légèreté, pour célébrer même parfois le nihilisme. Parce qu'en fait, le rap aujourd'hui, il y a énormément de sensibilité. Là où à l'époque, effectivement, il y avait une manière quasiment, j'exagère, de faire du rap. C'est juste qu'aujourd'hui, le rap s'est démultiplié, mais cette manière-là de faire du rap, cette manière, on va dire, engagée, entre guillemets, consciente, plus sérieuse, comme disait Yérim, elle existe encore. C'est juste qu'elle est parfois noyée dans 15, 20 autres manières de faire du rap. Il est assis au fond du métro, où personne ne regarde, silence pesant. Trois mecs mentent, visage menaçant, allez, tombe la veste. On est à Caudel, mais lui supplie, commence à pleurer. Son père lui a offert à Noël, elle change de main. Il a beau dire que ses parents n'ont pas un sou. Au fond, tout le monde s'en fout. Les trois types, les gens autour, gratuitement la lame. Et soudain, l'opinel pénètre 10 cm dans l'abdomen. Ça fait déjà un an, il aurait 16 ans. Son père ne s'en est jamais vraiment remis. Lorsqu'il entre dans sa chambre, rien n'a changé. Les jouets, les livres, cependant. Les murs sont tristes, pourquoi vivre si tu es, c'est facile, on veut tourner le couteau. Quand tout s'écroule d'un coup au fond de métro, les gilas, les flics en quête bouffent des sandwichs. Même sourire raconte leur vie, ils parlent même pas de lui. Il a du mal à s'imaginer, jadis son enfant innocent. En une seconde pour 400 francs, mourant dans une flaque de sang. Une flaque de pleurs, une vague de peur, la bague du bonheur, fruit de l'amour. Fauché par le tranchant d'une dague de malheur, c'était pas l'heure de partir. Il ne lui avait pas tout dit, tant pis, ce sera au paradis. Et des remords, la racine, c'est l'événement. Et de l'arbre poussent des fleurs délicates qui viennent caresser le marbre. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir. Encore une tombe à fleurir. Encore une tombe à fleurir. Alright now, alright now, alright now. Un cri court dans la nuit, featuring DJ Naughty. Voilà, un des plus grands morceaux de rap, je pense, on peut même dire tout confondu, et qui se trouve sur L'École du micro d'argent, un album hors norme. Et justement, Brice Miquelet, parlez-nous de cet album qu'on peut réécouter encore aujourd'hui, qui n'a pas pris une ride. Ouais. Non, juste pour revenir sur ce morceau, qui est effectivement un morceau assez magnifique. Ça représente bien le côté storyteller en fait d'IAM, qui arrive vraiment à raconter des histoires, à avoir un truc très cinématographique en fait. D'ailleurs, ils samplent souvent des films, ils intègrent souvent des dialogues de films ou des références à des films dans leur musique. Attentat, c'était un titre un peu comme ça, très storytellé. L'Empire du côté obscur aussi sur L'École du micro d'argent, c'en est un cri court dans la nuit. c'en est un aussi. Et il y a toujours ce souci. Je pense que si l'école du micro d'argent il y a plein de raisons au succès de cet album. Il y en a une, c'est le côté visuel en fait. C'est le côté Akhenaton écrit beaucoup par image. Shuriken est peut-être plus dans la figure de style. Et résultat, les images sont aussi appuyées par des extraits sonores qui vont arriver tout le temps. Donc il y a Akhenaton beaucoup... adore le cinéma, hein. Il a même lui-même réalisé. Ouais. Mais Shuriken aussi, il va sampler beaucoup de BO de films sur son album solo Où je vis plus tard, en 98. Et voilà, après cet album, effectivement, mélange énormément. Et un peu la symbiose de tout ce que devait devenir IAM, tout ce qu'ils ont tenté sur certaines choses, les influences du monde entier. Là, ils vont sampler des sons édités par l'UNESCO, par exemple. C'est Imhotep qui va être l'architecte du groupe et donc de cet album. Il va sampler des tambours argentins, des méditations de moines bouddhistes japonais. Oui. Imhotep, qui est le compositeur musical et qui lui est même extrêmement engagé, voilà, anti-capitaliste, écolo, largement avant que ça devienne un phénomène de société. C'est quelqu'un de très très engagé. Il aussi. Vient du milieu reggae marseillais à la base, c'est un musicien de reggae. Il était prof avant, il était instituteur, je crois. Ah, c'est possible. Oui. Ça, c'est possible. Mais voilà, enfin, il y a plein de raisons au succès de cet album. Il y a le côté aussi, comment on dit, réfléchir avant d'agir aussi, qui est un petit peu. Et puis des duos avec des rappeurs. Alors il y a East qui est décédé, qui a décédé. Et puis également Fab, qui est un autre énorme rappeur. Il y avait vraiment une sorte de conjonction de planètes sur cet album qui est. Et d'après ce que j'ai pu lire, en fait, il existe une autre version qu'ils avaient déjà enregistrée. Première version. Irim et ils ont recommencé en fait. Ouais, en fait. Alors ça, pareil, ça. Il y a plusieurs points de vue sur cette histoire. Là, mais le truc qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement il y avait une première version où en termes de flow notamment c'était plus proche de ce qu'il faisait avant, donc on va dire un peu moins propre, un peu moins technique. Et le truc, c'est qu'entre temps il y a une clique de Parisiens qui s'appelle Time Bomb qui déboule et qui traumatise tout le monde, parce que eux, en termes de flow et en termes de technique, ils sont à l'heure américaine en fait. Donc pour ceux qui voient pas, Time Bomb, c'était Oxmo Puccino, les X-Men, Lunatic, etc. Et oui, il y a eu une version de l'histoire qui raconte que en gros ils ont modifié tout l'album parce que ils se sentaient pas au niveau par rapport notamment aux X-Men. Mais après, il me semble Akhenaton a dit que c'est par rapport à l'influence américaine et pas non plus à ce point-là complexé par rapport aux X-Men. Quoi. Mais c'est vrai, voilà. En tout cas, que l'album a été refait, ça c'est sûr. Par un ingé son Prince Alexander, qui a fait beaucoup de choses. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est que tout le monde cite l'école du micro d'argent parce que c'est une œuvre évidemment phare du rap français. Mais ils ont ensuite fait un album qui est considéré par beaucoup de critiques comme un album plus abouti musicalement, Revoir un printemps, qui a eu moins de succès, et que j'ai réécouté pour préparer cette émission, et qui a quand même des sacrés bons morceaux aussi. Hein. C'est un très bon disque. Après, j'ai vu quand même peu de critiques le mettre au-dessus de l'école du micro d'argent, honnêtement, parce que l'école du micro d'argent, ça fait partie de ces disques-là, vous savez, où maintenant, dans la conscience collective, même si on l'a pas écouté, on sait que il est dans le top 5 ever du rap français. On peut plus vraiment toucher à quelque chose comme ça. Mais Revoir un printemps est un très bon disque. Après, il avait la gageure de passer après l'école du micro d'argent 7 ans après de mémoire. Donc c'est très compliqué. Il y avait une vraie attente à une époque où en plus Akhenaton et Shuriken étaient partis en solo avec des vrais succès, des disques qui ont marché. C'est aussi une époque où Akhenaton a fait énormément de choses. Hein. Le film comme un aimant, la BO du film comme un aimant. Il a produit énormément d'artistes. Il a monté son label. L'Algérino qui maintenant est fait un tube de l'été tous les ans, à la base il était signé par Akhenaton, les psychiatres de la rime, Soprano, donc la tout FF. Ça, la FF, tout ça part de IAM et vraiment d'Akhenaton. Donc le disque arrive presque, on est presque rentré dans une autre époque de rap français, donc il a quand même fonctionné parce que IAM, même s'ils sortent un disque maintenant, et ça va sûrement arriver d'ailleurs, ils auront toujours leur public, mais effectivement c'est un disque qui je pense, le rap était déjà passé dans autre chose. Les stars du rap à ce moment-là, c'était plus IAM, c'était Booba, Rof, Soprano commençait à l'être, Sniper, etc. Donc le rap, c'est aussi une musique qui parfois peut être un peu injuste parce qu'elle regarde tout le temps vers la jeunesse. Et quand on commence à avoir 32, 33, 35 ans, on fait déjà partie d'une autre époque. Donc tout l'enjeu pour un rappeur, c'est de continuer à garder son public. Exactement, ce qui n'est pas du tout évident. Et je pense qu'à ce moment-là, IAM commence à rentrer dans cette phase-là de leur carrière. Mais c'est un bon disque, absolument. Et le morceau notamment éponyme, Revoir un printemps, et le couplet d'Akhenaton est extraordinaire dessus. Et il y a aussi cette brouille dont on doit parler entre Freeman et le reste du groupe, celui qu'on appelait auparavant Malek Sultan, qui décide de quitter le groupe. Bah oui. Plus tard. Ouais, c'est un peu plus tard. 2008. Ouais, je crois. Ouais, c'est 2008, ça. 2008, ouais. Bon, je connais pas les raisons, des fois. Bah, je sais pas si on les connaît tant que ça, en fait. Il y a une interview qui est sortie, une peut-être. Histoire de Twix. Mais un peu, en fait. Un petit peu. En fait, grosso modo, enfin, parce que, il y avait une interview qui était parue sur un obscur blog marseillais, d'ailleurs, où Freeman s'en prenait à Touaïa, notamment à Kenyatta, et on se demandait si c'était réel ou pas, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y avait une forme de frustration de la part de Freeman. Mm. Il a reproché un petit peu à Kenyatta. Il y avait un DVD qui était sorti justement avec Revoir un printemps. Et dedans, on voyait un peu le groupe, non pas se moquer de lui, mais se moquer de sa face sur justement un bon son brut pour les truands dont vous parliez au début de l'émission, où il dit « je te mystifie comme un Twix ». Et à un moment, Akhenaton lui dit « mais ça fait 20 ans, enfin ça fait 17 ans justement, on sait pas ce que t'as voulu dire avec cette phrase-là ». Du coup, il y avait un peu des vannes et des moqueries, c'était avant Internet, hein. Je pense qu'à l'époque de Twitter, il aurait eu plus mal. Même dans le DVD, t'as aussi leur façon de le charrier un petit peu quand il est très stressé. Avec Method Man et Redman, donc ils sont deux rappeurs américains. Qui sont des pointures, et je crois que c'est Kéops qui rigole beaucoup du stress de Freeman. Donc voilà, je pense chambreur. Je pense que Freeman, à un moment, en a eu marre d'être, on va dire, la cinquième roue du carrosse, alors que lui, il avait vraiment ses velléités d'être reconnu comme un rappeur, ce qu'il a été, parce que dans le rap français, on sait que Freeman est un rappeur. Le problème, c'est de rapper avec Akhenaton et Shuriken, quoi. C'est un peu compliqué parce qu'on a deux des plus grands rappeurs d'histoire, donc c'est la comparaison qui était dure à tenir. Donc ça vient de là. Pardon. Pour revenir à Revoir un printemps, il y a aussi un fonctionnement différent du groupe, c'est-à-dire que là, pendant sur leurs albums solo, Shuriken et Akhenaton en fait ont acquis des skills de producteurs en fait. C'est des très bons producteurs, et en fait Revoir un printemps, les morceaux sont majoritairement produits par eux. Et Imhotep a plus un rôle de réalisateur, et finalement les prods sont très différentes. Il y a des prods qui sont, bon, c'est un peu technique, ils sont vraiment faits au pad, etc., samplés au pad. Le son est vraiment différent pour le coup. Et Freeman est beaucoup plus présent. Et Freeman est quasiment le troisième rappeur. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, histoire de lui laisser un petit peu de quelques secondes pour réviser, on va écouter Oxmo Puccino, Caballero et Jean Jass avec Social Club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, parti mardi. Je rallume le spaghetti si samedi. Appelle tes amis si c'est samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Dispensaire à LA, petit club à Barcelone. Coffee shop à Dame, j'suis brisé comme porcelaine. Un nouveau style de locomotive. Ah, protège-toi à nos confrères. Ah, parce qu'il y aura des pogos d'office. J'donnerai aucun de mes bocaux aux flics. Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité. La tête dans les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Presse comme sur ta tweet. Trinque ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac Dior. Mon cul dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud, allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un Clio. J'me sens lourd comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu. Grande bouffée, air pur, les clés sont perdues. Où est la voiture? Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. We'll be right back. C'était Social Club sur France Inter. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Patrick au téléphone. Bonjour Patrick. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, fan d'IAM? Oui, depuis l'école du micro d'argent. J'imagine que c'est l'album préféré ou on va avoir une petite surprise? De loin l'album préféré, oui. Bon, bah voilà, bon, on fait comme tout le monde. Alors, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon? Claire. C'est parti. Avec quel célèbre compositeur de cinéma IAM a tenté de collaborer? Réponse A, Ennio Morricone. Réponse B, John Williams. Ou réponse C, Alexandre Desplat? Réponse A, Ennio Morricone. Eh bien, c'est une bonne réponse. En 2011, IAM a failli sortir un album en collaboration avec le compositeur de film italien. Le projet n'a finalement jamais vu le jour en raison du coût trop élevé des droits d'auteur. Question suivante. Quel était le métier pour lequel Shuriken a initialement été formé? Quel était le métier pour lequel Shuriken a initialement été formé? Et souvent, quand on rencontre une conseillère d'orientation, bah, c'était le premier truc qui venait dans les années 80. Je n'en sais rien, j'avais en tête instituteur, mais je sais pas si c'est ça. Non, BEP. BEP. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Oui. Mais alors, je vais prendre Mehdi. Ok, Mehdi. Alors, prêt. Quel était le métier pour lequel Shuriken a initialement été formé? Eh bien, je pense BEP chaudronnerie. Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est ça, bonne réponse. Et maintenant, on va vous faire écouter une chanson. Tendez bien l'oreille. Cette chanson a servi de sample pour l'un des titres de IAM, lequel? Gangster Paradise. Oui. Sample. C'est le premier album. De pleine masse. Oui, voilà. Imaginez des percussions comme ça. Les tam-tams de l'Afrique, non? Mais oui, je vous ai absolument pas aidé. Non, non, non, arrêtez. Vous avez trouvé ça tout. Il arrive un moment, il faut pas avoir honte de son talent. Vous êtes doué, vous avez trouvé ça tout seul. Eh bien, Patrick, vous avez gagné le livre de Mehdi Maizi, Rap français, une exploration en 100 albums, paru en 2016 aux éditions Le Mot et le Reste. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission. Mehdi Maizi, Yerim Sarr, Brice Miclet, merci. Merci d'avoir évoqué IAM. Pour les auditeurs, comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 pour donner des suggestions, ok, mais aussi des fois pour nous dire ce que vous avez pensé du sujet du jour. Il y a également la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. Bon, moi je crois que le bon rap, c'est comme la bonne chanson. Je crois qu'il faut avoir quelque chose à dire. Et je crois que ça sert à rien de rapper ou de chanter quand on n'a rien à dire. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Mais je crois aussi que le rap, s'il perd son sens, eh ben, il a plus de raison d'être.